Je lance mes éclats d'orgueil, mes sanglots de revanche pour orner ton front de ces diadèmes brûlants où les pierres serties sont comme des sacrifices de longues cicatrices qui se consument lentement au soleil de la chair meurtrie. Reviens multiplier mes heures et mes délires. Je cherche à voler tout ce qui fut ma joie. Je me suis tournée vers les saintes chimères, les monts auréolés de joie et de prière. Déchirant mon rêve, à pleines dents, pour me faire saigner des étoiles à mon cœur brûlant. Et toi, déchirant mon rêve, à pleines dents, comme un semblant d'amour pour ce cœur brûlant.